C'est une faute de frappe. Non, mais ça me fait rien, on corrigera après. Surtout, ne parlons pas. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Un événement apparaît. Ah oui, c'est ça. La faim, encore une fois, s'est abattue sur l'Afrique. La télévision a montré des images. La télévision montre toujours très fidèlement les images de la faim. Nous les regardons avec passion. Il n'y a plus d'enfants, plus de vieillards, plus d'âge. Bonjour José Dayan. Bonjour Géraldine. Vous êtes réalisatrice et productrice. Des millions de téléspectateurs et de spectateurs connaissent vos films, ont pu voir de vous, par exemple, à la télé Le Comte de Monte-Cristo, Balzac, Les Misérables, Capitaine Marlowe, Les Rois Maudits. C'est difficile de tous les citer puisque vous avez réalisé entre 150 et 170 œuvres. Ça va du film au téléfilm, du feuilleton historique à la série policière. Est-ce que vous pourriez dire, José Dayan, comme on l'a entendu dans la voix de Jeanne Moreau, qui interprète Marguerite Duras dans votre film Cet amour-là, que la télévision montre toujours très fidèlement? Oui et non, enfin ça dépend ce que montre la télévision, si vous voulez. Et une fiction, c'est forcément plus que quelque chose de fidèle, c'est différent, vous voyez. Moi je ne fais que de la fiction, je fais très très peu de documentaires. Ce qui m'intéresse c'est la fiction, c'est le travail autour d'un acteur ou d'une actrice. Et donc... voilà, c'est pour, en ce qui me concerne, c'est différent. Voilà, je ne suis pas impliqué comme certains dans des réalités, si vous voulez. Qu'est-ce que la télé pour vous? Eh bien, c'est une opportunité, je trouve, excessivement troublante parce que il y a tellement de chaînes, il y a tellement de films, de documentaires même, enfin bref, d'émissions politiques. C'est tout de même un écran disponible 24 heures sur 24, et il y a aussi le meilleur et le pire. Enfin là je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais les gens qui disent non moi j'ai pas de télévision, je veux pas la regarder, etc, je trouve ça complètement stupide. C'est comme les gens qui disent je veux pas de téléphone portable. On n'est pas obligé, si on a la télévision, de la regarder systématiquement. On n'est pas obligé de se servir d'un téléphone portable. Mais enfin, ce sont des éléments qui font partie de la vie aujourd'hui, et je pense qu'on peut pas non plus les occulter. Mais ça a été plus que c'est plus qu'un objet du monde moderne. La télévision pour vous, c'est véritablement le médium avec lequel vous travaillez. Je l'ai rappelé, vous avez réalisé énormément de films, de séries policières, de téléfilms qui ont été diffusés à la télé, qui ont été suivis à la télé par vraiment des millions de téléspectateurs. Donc pour vous, c'est vraiment plus qu'un objet ordinaire, c'est vraiment votre outil de travail. Oui, oui. Enfin, c'est le, si vous voulez, c'est le support de mon outil de travail. Voilà. Alors, l'intérêt de la télévision, enfin, pour moi, c'est vrai que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de téléspectateurs, mais des millions. Mais à la fois, c'est fugitif, vous voyez, parce que, bon, il y a les rediffusions, mais en vérité, en une soirée, vous pouvez toucher 8 millions de spectateurs, ce qui est énorme, et puis le lendemain, on passe à autre chose. Et c'est ça qui est assez troublant avec la télévision, oui. C'est qu'à la fois c'est massif et en même temps éphémère. Oui, bien sûr. Et c'est beau l'idée de l'éphémère. Vous préférez ça? Ben, je trouve ça pas mal, oui. Je trouve ça intéressant. C'est pour ça que vous avez fait d'ailleurs autant de projets pour la télé. C'est parce que finalement une œuvre en chasse une autre, parce que c'est le rythme de la télé, parce que vous aimez ce rythme-là? Non, moi j'aime les rythmes rapides, et j'aime le cinéma avant tout. Enfin, je suis cinéphile, et simplement, si vous voulez, en ce qui me concerne, bon, cet amour-là dont vous avez parlé tout à l'heure et qui a ouvert votre émission, c'était un long métrage. Et si moi je fais un long métrage demain ou après-demain, il faudra que ce long métrage m'exige. Je ne veux pas faire un long métrage de plus, si vous voulez. Un long métrage, ça implique beaucoup de temps, de bataille pour arriver à le financer, le monter, etc., etc. Ça implique des angoisses tous les après-midi, au moment où le film va sortir, le mercredi, le jeudi, le vendredi, les semaines suivantes, etc., les salles qui se restreignent. Donc, un long métrage, c'est une implication personnelle extrêmement forte et qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, j'aime aller vite. Quand j'ai envie de faire un film, dès que l'idée me vient d'un film que j'ai envie de faire, je voudrais déjà être en train de le tourner. Donc, le temps de la télévision me convient très bien pour ça, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, au stade où je suis de ma vie de metteur en scène et de productrice de télévision, je monte mes projets assez rapidement. Et ce rythme-là me convient, c'est vrai. Je crois que si on regarde la différence avec la télévision et les gens en ce moment qui ont fait, quand ils sont entrés dans la salle, là, ils ont fait comme les spectateurs de cinéma, ils ont baissé la tête, montré leur ticket et ils comptent leurs sous. Quand ils entrent dans la salle, ils lèvent la tête. La télévision, on la baisse. C'est pour ça qu'il y a besoin de cinéma et que le cinéma restera, car il faut lever la tête. Parmi les moyens de communication de masse, la ressource la plus puissante, la plus séduisante et la plus suggestive, parce qu'elle bénéficie d'une très large diffusion, est aujourd'hui représentée par la télévision. Cette invention devrait donc être considérée comme le meilleur moyen pour promouvoir l'éducation intégrale. De nos jours, dans l'esprit de ceux qui dirigent, dominent et orientent les télévisions de tous les pays, ces préoccupations n'existent certainement pas. Il ne se pose même pas le problème d'étudier une nouvelle forme d'éducation. Loin d'eux l'idée de parvenir à une éducation intégrale. Ils conçoivent la télévision comme un moyen d'atteindre l'approbation et la popularité et l'emploi comme un vecteur de propagande pour faire vendre certaines marchandises plutôt que d'autres et pour gagner des prosélytes à telle ou telle idéologie, à telle ou telle coalition politique, pour donner du poids à tel ou tel groupe de pression. La naissance de la télévision a déclenché une guerre absurde entre ce média et le cinéma. On a même assisté à la prolifération de défenseurs de l'un ou de l'autre qui ont élaboré des théories aberrantes sur le langage et l'esthétique, sur l'incidence sociale et culturelle du cinéma ou de la télévision. Très peu de gens ont vu les choses dans leur juste perspective. L'avènement de cette technique pouvait représenter un véhicule extraordinaire pour diffuser les produits élaborés, comme les films, auprès d'un public toujours plus vaste. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Ce texte-là, c'est un texte de Rossellini. Oui, c'est un texte de Roberto Rossellini qui date de mai 1977. Ouais, c'est très intéressant. Ça vous a plu ? Mais bien sûr, et c'est vrai. Enfin, c'est tout à fait vrai. On est en train de toucher la réalité, parce que la télévision est en effet un véhicule formidable pour des films, non seulement pour les divulguer à l'intérieur des campagnes, dans des petits villages, etc., etc., mais aussi d'ailleurs pour les financer. Car qui est-ce qui aujourd'hui finance le cinéma ? À part le CNC qui est essentiel en France, c'est évidemment la télévision. Il n'y a pas un film qui s'autofinance aujourd'hui. Tout est financé par la télévision. Donc, au lieu qu'il y ait cette guerre stupide et qui est d'ailleurs assez typique de la mentalité française, ça n'existe pas du tout aux États-Unis avec les plateformes, etc. Enfin, je veux dire que maintenant, la télévision, c'est une espèce de vecteur aussi bien pour le cinéma que pour des émissions pures, entre guillemets, de télévision, ou pour des fictions télévisuelles. Et c'est une guerre stupide, un peu typique française, qui a tendance à s'atténuer, je dirais, parce que précisément, vous me parliez de mes films. C'est vrai que avec Monte Cristo en 98, Gérard Depardieu a fait un pied de nez formidable, parce que d'un seul coup, il a décidé de faire Monte Cristo à la télévision, et ça a ouvert la porte à des acteurs qui en France n'y venaient pas forcément. Et comment dire, je trouve que qu'il a eu beaucoup de courage, de d'instinct plutôt que de courage, d'instinct. On a entendu juste avant l'interprétation par Bernard Gabet du texte de Rossellini, la voix de Jean-Luc Godard, c'était à la Nuit des Césars le 7 mars 1987. C'est effectivement peut-être propre au cinéma français, un cinéma français aussi de la nouvelle vague, enfin en tout cas celui de Godard, d'avoir voulu restreindre le cinéma aux salles de cinéma. Non, mais je crois que c'est une question de génération. Et puis à la fois, c'est vrai, bon, maintenant, on a des téléviseurs immenses, des rétroprojecteurs, etc., etc. Mais c'est vrai que la beauté, presque la communion, si vous voulez, d'être dans une salle avec du public, sentir ce qui se passe, les vibrations, c'est un charme fou. À la fois... si vous voulez, c'est assez compliqué. Par exemple, avec ce Covid, quand il y a eu toutes ces salles de cinéma, de spectacles closes, d'une certaine manière, le cinéma vivait grâce à un support qui était la télévision. C'est pas mal. Mais c'est aussi une bonne chose que soulève la télévision, qui est que finalement, en fait, on promeut beaucoup l'expérience du cinéma comme une salle noire où on est complètement dédié à ce qu'on nous propose. Le son est beau, l'image est belle, on est en communion, vous l'avez dit, avec d'autres que soi, on peut sentir quelque chose dans la salle. Mais en fait, cette expérience-là, on peut, d'une certaine manière, la retrouver chez soi, quoique ça, c'est pas vraiment l'argument avec lequel je suis plus d'accord, mais là justement, si vous voulez, vous touchez un point très très important, c'est-à-dire que en effet, quand vous êtes au cinéma, a priori, vous êtes dans une salle noire où il y a une espèce de communion et où tous vos sens sont en éveil, c'est-à-dire de la perception à la fois visuelle et sonore de ce que peut représenter un film. Bon, quand vous êtes chez vous, ça n'est pas pareil parce qu'il y a, comment vous dire, il y a d'abord une lumière qui, c'est très rare. Moi, quand je regarde un film, je le regarde dans le noir. Mais enfin, je suis un peu psychiatrique. Mais normalement, les gens regardent leur télévision avec leur lumière allumée. Bon. Les téléphones portables. Les téléphones portables, les téléphones pas portables. Si vous ne viviez pas seul chez vous, si vous avez un enfant, un chien, un chat, que sais-je, trois enfants hurlants, eh bien, ils interviennent, si vous voulez, dans le fait que vous êtes en train de regarder un film à la télévision ou une émission à la télévision. Donc, si vous voulez, c'est une des raisons qui fait que l'écriture télévisuelle, je dirais l'écriture d'un scénario est très différente d'un scénario de cinéma. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains points sur lesquels il faut insister et réinsister et réinsister, parce que le spectateur de télévision est beaucoup plus distrait que le spectateur de cinéma qui est entièrement dédié au film qu'il est en train de voir. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, puisque on est là pour parler de mes films, j'ai fait cet amour-là au cinéma et pas du tout à la télévision, parce que la construction de cet amour là était une construction un peu complexe, si vous voulez, avec une espèce de choc entre les périodes de la vie de Duras, c'est-à-dire les flashbacks qui étaient mêlés au présent de sa vie et de son romanesque. Et cette écriture-là, selon moi, n'était pas vraiment une écriture perceptible pour la télévision. Alors comment vous faites quand vous tournez pour la télévision pour vous dire là je dois m'adapter au fait que les gens vont baisser les yeux, comme le dit Godard, pour vous dire qu'en fait l'attention va être forcément distraite par la lumière, par un son qui est moins bon, par des enfants qui hurlent. Comment vous faites? Eh bien, c'est désagréable. Voilà, c'est désagréable parce que il y a d'autres choses qui sont encore beaucoup plus désagréables. C'est que j'étais en train de parler avec un de mes assistants qui m'expliquait que finalement c'est génial, il venait de voir un film sur son téléphone. Vous devenez fou, parce que en fait, si vous voulez, la lumière, l'ambiance d'un film, le son d'un film, contribue, si vous voulez, à transmettre une émotion. Bon, et si vous, votre support, c'est votre téléphone, si vous êtes chez vous avec votre chien qui aboie, ou je ne sais pas, ou en train de dîner, je trouve ça assez insupportable. Moi, quand je regarde un film à la télévision, ben je le regarde. Mais vous avez ça en tête que vous devez vous adapter peut-être à des conditions d'attention qui sont inattentives. Oui, oui et non. En fait, en ce qui me concerne, au niveau de la mise en scène, pas tellement. Je pense que c'est plutôt le travail des scénaristes de savoir qu'à la télévision, il faut vraiment attraper quoi. Souvent mettre les points sur les i quoi et les remettre. C'est-à-dire souligner l'histoire, mettre du rythme, oui, du suspense. Oui, parce que certaines choses peuvent échapper aux spectateurs et puis à la fois si ça leur échappe, tant pis pour eux. Je veux dire, s'ils ont envie de regarder de façon inconfortable un film, c'est leur problème. Moi, je vous dis encore une fois, quand je regarde un film chez moi, je le regarde vraiment comme si j'étais au cinéma. Mais bon, parce que je suis un peu psychiatrique. Crois-tu que j'ai maître de comte de Monte Cristo? C'est un homme terrible, impitoyable et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être Edmond Dantès. Je n'attendais rien d'autre de la vie. Mais ils m'en ont empêché. Villefort, Morcerf, Danglars et même l'autre larve de Caderousse qui savait tout et qui n'a rien dit en essayant de tuer le jeune marin qui ne demandait rien à personne. Ils ont fait naître le vengeur qui vient leur demander des comptes. Bien tant pis pour eux. Dumas revenait, je serais heureux de cette adaptation aussi. Alors, je trouve que comme la télévision a des moyens excellents, et qu'au cinéma, ça prendrait trop, c'est trop lourd, ben, je trouve que c'est complètement adapté pour la télévision, et pour moi, ça reste du cinéma à la télévision. Est-ce que vous êtes d'accord, José Dayan, avec ce que vient de dire Gérard Depardieu, donc le héros de votre série, oui. Le Comte de Monte Cristo? Oui, je suis d'accord avec Gérard quand il dit que c'est du cinéma à la télévision, parce que c'est vrai que Monte Cristo, on l'a voulu, Gérard et moi, avec ce désir de visuel très beau, et on avait un casting magnifique et je trouve que là, non pas ce que Gérard vient de dire, mais l'extrait... Oui, qui est vraiment l'ouverture. Hein, oui, l'extrait de Monte Cristo que vous venez de passer est extraordinaire, parce que je trouve que Gérard a une voix magnifique, une façon de dire le texte, vous voyez, pas du tout grandiloquente, et qui d'un seul coup vous emmène dans un voyage. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi la musique de Bruno Coulet pour Monte Cristo. Oui, et là je viens de vivre, là je sors d'une aventure encore plus forte que Monte Cristo, qui est Diane de Poitiers, que je viens d'avoir la chance de faire avec Isabelle Adjani, et d'ailleurs écrite par Didier Decoing, comme Didier Decoing avait écrit Monte Cristo. Et alors, quel est d'où vient ce goût pour des faits historiques, pour des grandes fictions, des grands classiques, quelque chose qui relève en fait du patrimoine français? Oui, mais à la fois Diane de Poitiers, c'est pas un grand classique, c'est à la fois un personnage extrêmement célèbre et dont on ne sait pas grand chose. Et c'est ça qui était intéressant pour nous, c'est-à-dire d'arriver à faire vivre cette espèce de légende, cette femme de beauté inouïe qui a traversé le XVIe siècle et en vérité qui resterait mystérieuse. Et là, si vous voulez, c'était pas du tout une adaptation comme Didier l'avait faite pour Monte Cristo à partir du livre de Dumas. C'était un scénario original, en fait, même deux scénarios originaux. Je ne sais pas pourquoi, quand je parle de Diane de Poitiers, alors qu'il s'agit de deux films, pour moi, c'est une globalité. J'ai envie de parler d'un film qui est Diane de Poitiers. Et cette Diane, c'est au-delà d'un film historique, c'est romanesque, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'aventure d'une femme inouïe qui est très particulière, dont le destin est particulier, au milieu du XVIe siècle, avec son opposition à Catherine de Médicis, qui a quand même été pour moi une de nos plus grandes reines. Oui, j'adore cette période, j'adore ce siècle, très inspiré d'ailleurs de l'Italie, grâce entre autres à François Ier. Et j'ai vraiment voulu faire ce Diane de Poitiers. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu le faire avec Isabelle Adjani, avec le casting qu'on a eu. D'ailleurs, Gérard aussi est venu nous retrouver pour Nostradamus. Et, enfin, bon, bref, c'est une aventure. Et qu'on pourra découvrir en septembre 2022. Oui, c'est une aventure vraiment exceptionnelle pour un metteur en scène. Oui. Qu'est-ce qui vous donne envie de tourner, de réaliser en fait? Quel est le scénario qui déclenche cette envie-là? Est-ce que vous demandez à quelqu'un d'écrire pour vous sur un sujet qui vous intéresse? Oui, je demande à des scénaristes d'écrire pour moi sur des sujets qui m'intéressent. Mais en vérité, ce qui déclenche mon désir de film, c'est le désir de tourner avec un acteur ou avec une actrice. Ah, c'est pas du tout le sujet? Non, et à partir de là, essayer de trouver un sujet qui me semble convenir à cet acteur ou à cette actrice. Donc là, pour Diane de Poitiers, c'est parce que je voulais tourner avec Isabelle Adjani. Pour Les Rois Maudits? Pour Les Rois Maudits, c'était le sujet que j'avais adoré à l'époque, quand Les Rois Maudits de Barma étaient passés. J'avais trouvé ça magnifique et j'avais envie de faire Les Rois Maudits. C'était une distribution exceptionnelle aussi. Il y avait Jeanne Moreau, il y avait Balibar, il y avait Gérard Depardieu à nouveau, il y avait tout ça. Non, c'est une aventure extraordinaire. En plus, c'était le Moyen-Âge. J'avais demandé à Philippe Druyer de reconstruire un Moyen-Âge dans le style d'une héroïque fantasy. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Game of Thrones s'est inspiré de votre... Oui, c'est en tout cas ce qu'ils ont dit. Ce qui est quand même très flatteur. Bah oui, enfin, c'est amusant. Voilà. Et quand même, il y a quand même ce fait qui revient, en fait, des séries historiques, littéraires. C'est-à-dire que, finalement, vous faites aussi la fiction télévisée, télévisuelle, dont on rêve. C'est-à-dire que, d'un côté, on a la réalisation d'auteur, le moyen grand public, et en même temps, le texte classique. C'est comme si, en fait, vous incarniez le rêve de la télévision. Oui, ben, tant mieux. En tout cas, quand je fais Diane de Poitiers, j'incarne plutôt mon rêve personnel. Donc vous ne vous dites pas, par exemple, j'aimerais quand même me servir, vous avez dit tout à l'heure, la télé, il y a quand même le pire et le meilleur. Et effectivement, vous, quand vous faites de la fiction, vous vous dites, quand vous avez ce genre de texte... J'essaie de faire le meilleur. Ouais. Ouais, alors ça c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que vous essayez de vous dire, il y a une visée pédagogique, il y a une visée de patrimoine, est-ce que j'ai envie de faire passer des grands textes, ou c'est juste en fait le plaisir de la fiction et ça peut aller tout à fait de... Non, le plaisir de l'émotion, si vous voulez. Je ne me sens pas quelqu'un de pédagogue. Voilà, vous dites pas, je remplis une mission pédagogique de la télé. Non, pas le sens de remplir aucune mission. Juste le désir de faire partager des émotions. Ça, pour moi, c'est essentiel. Par le public le plus large, bien sûr. Oui, c'est ça. Parce que est-ce que vous avez l'impression d'avoir non seulement aboli la frontière entre le cinéma et la télé, comme le dit Gérard Depardieu, mais aussi entre ce qui relève d'une culture classique et qui est parfois snob, qui nous semble inaccessible, et un média populaire? Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que, comment vous dire, quand Gérard, et comme c'est lui qui le dit, je peux le dire, c'est vrai que j'ai aboli beaucoup la frontière entre le cinéma et la télévision, ne serait-ce que par le choix de mes castings et les acteurs et les actrices qui ont rejoint mes films. Et à la fois, c'est vrai que le côté un peu élitiste qui peut éventuellement tenir un peu à l'écart les spectateurs est rattrapé dans mes films par une sincérité extrême. C'est-à-dire que je ne fais pas un film pour plaire à des spectateurs. Je fais le film que j'imagine qui doit être fait. Et s'il y a de la sophistication, c'est parce que le sujet l'exige, vous voyez. Et je ne vais pas, comment vous dire, je ne vais pas décider de rajouter des musiques émouvantes pour essayer d'émouvoir davantage. Non, je vais tenter de faire le film qui pour moi est le plus juste, le plus sincère. Voilà. Et je pense que le public est sensible. Je pense que c'est pour cette raison, finalement, que j'obtiens les audiences absolument hallucinantes qui sont les miennes en ce moment et qui grosso modo l'ont toujours été. Oui. Donc le paradoxe, c'est que finalement, en ne cherchant pas le public, c'est là où on le trouve. Oui, parce que si on le cherche sincèrement, il le sent. Voilà. Tout ce que je fais est un compromis permanent entre la réalité qui s'offre à moi et ce que je veux en faire. Il s'agit d'inscrire un certain nombre de signes à partir de cette réalité sur un écran. Eh bien, il se peut que tel jour, le comédien principal n'ait pas particulièrement du talent. Il se peut qu'il fasse gris alors qu'on attendait le soleil. Bon, la réalité, c'est tout ça. Eh bien, c'est aussi l'argent qu'on a pour le faire, chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Eh bien, le boulot du réalisateur, c'est de réaliser tout ça, de le faire passer au réel et d'essayer que le résultat de ces différents paramètres aille dans le sens dans lequel il aimerait que le spectateur le comprenne. Et ça n'est pas toujours sûr et ça n'est pas toujours réussi. Disons qu'un certain nombre de gens y arrivent mieux que d'autres, et même certains, Renoir par exemple, qui est pour moi le grand maître, jongle avec ça, s'amuse avec ça, collabore avec le temps, collabore avec un acteur qui n'a pas de talent ou un acteur qui en a énormément et tire de lui des choses. Moi, je suis beaucoup plus sensible à la race de metteurs en scène qui collaborent avec le réel, de réalisateurs comme Renoir, qu'à une race très différente du style de Fellini ou de Bergman, qui m'époustoufle, qui m'épate, qui me laisse assis, mais qui essaye de transcrire textuellement leur fantasme sur l'écran. C'était la voix de Marcel Bluval sur France Inter, Radioscopie, le 27 septembre 1974. Marcel Bluval, qui est un grand réalisateur de cinéma et de télévision, qui a disparu récemment, le 23 octobre 2021, qui a réalisé plusieurs films télévisés, comme Le Mariage de Figaro, Le Jeu de l'amour et du hasard, ou encore la série Vidocq. Est-ce que vous êtes d'accord, José Dayan, avec cette distinction que fait Marcel Bluval entre, d'un côté, les réalisateurs du réel, comme Jean Renoir, et de l'autre, les réalisateurs plutôt du fantasme, ceux qui essayent de traduire textuellement leurs fantasmes à l'écran, comme Fellini ou Bergman? Oui, alors, je suis... je vais dire comme Macron en même temps. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en effet, il faut s'accommoder des accidents d'un tournage. C'est-à-dire, vous avez besoin qu'il fasse beau, d'un seul coup il pleut, et bien peut-être que cette pluie va vous amener ailleurs et que ce sera un plus. Voilà. Vous avez besoin de tourner avec tel acteur, et puis il se fait que ce jour-là, pour une raison quelconque, cet acteur a des problèmes de mémoire, et il faut vous arranger à trouver des solutions pour que vous puissiez continuer de tourner. Ça, c'est vrai. Et d'une certaine manière, les accidents, je dirais, entre guillemets, quotidiens d'un tournage, peuvent être finalement assez bénéfiques. Mais quand on parle de Bergman ou de Fellini, leur fantasme, la beauté du travail de metteur en scène, c'est aussi de fantasmer. Donc, moi, je dirais que arriver à fantasmer avec des éléments quotidiens troublants, alors là, c'est amusant. Et vous essayez de faire les deux? Oui, je tente de faire les deux. En tout cas, fantasmer, c'est sûr. Parce que quand on fait un film, par exemple, comme, encore une fois, je sors de Diane de Poitiers, donc je vous parle de Diane de Poitiers. Quand on fait un film comme Diane de Poitiers, évidemment qu'on est en train de fantasmer un film qu'on a imaginé, qu'on a vu. Et à la fois, on se trouve confronté à la réalité quotidienne, c'est-à-dire, en effet, du temps, de la lumière, etc., etc. Eh bien, il faut essayer d'arriver à ce que vos fantasmes s'accommodent de la réalité quotidienne. Est-ce que vous avez parfois été déçu sur un tournage? J'ai lu que vous adoriez les tournages, que vous étiez très bien sur un tournage. Est-ce que il y a des fois où malgré tout vous êtes déçu, où ça fonctionne pas, où ce que vous, parce que vous avez aussi une boîte de production, donc j'imagine que vous êtes plus libre aussi de vos projets, de votre manière d'agir, de choix de vos acteurs, de tout. Finalement, tout vous contraint. Ouais, j'ai toujours été, même quand j'avais pas de boîte de production, libre du choix de mes acteurs, parce que je considère que ça fait partie du premier acte d'un metteur en scène, et donc j'ai toujours fait moi mes castings de A à Z et sans du tout qu'on puisse m'imposer quelqu'un. Et vous avez été déçu par des acteurs ou des actrices? Votre choix s'est pas révélé être le bon? En général, mon choix sur les acteurs et les actrices se révèle être le bon. Voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir travaillé avec les immenses acteurs et actrices avec lesquels j'ai travaillé. Beaucoup de chance. Est-ce qu'il y a une différence du point de vue de d'un tournage pour la télé et d'un tournage pour le cinéma en termes de liberté, justement? Alors, d'un côté, il peut y avoir, j'imagine, plus de contraintes quand il s'agit de coproduction avec l'Italie ou d'autres pays, quand on dépend d'une chaîne qui a des attentes, qui a des exigences d'audience. Et d'un autre côté, vous l'avez dit aussi, les tournages de cinéma, c'est quand même très lourd. Non, j'ai pas dit c'est très lourd. J'ai dit c'est très long à arriver à déclencher. Voilà. J'ai pas dit c'est très lourd. Non, écoutez, honnêtement, ce dont vous me parlez, je ne l'ai pas vécu. Le plaisir est le même. Oui, alors non seulement le plaisir est le même, mais j'ai jamais eu de contraintes à la fois de chaîne ou de coproducteur italien ou allemand. Je veux dire, quand j'ai fait mes films, je les ai fait en toute liberté. C'est une chance folle, mais c'est la vérité. Donc tous les tournages pour vous sont les meilleurs moments où finalement vous allez enfin réaliser, essayer de à la fois jouer avec le réel, comme le dit Marcel Buval, et en même temps tenter de mettre en image le fantasme que vous aviez en tête avant. Oui, mais enfin, encore une fois, tout dépend des projets que vous abordez. C'est évident que quand vous faites Monte Cristo, Les Rois Maudits, les liaisons dangereuses, comme j'ai pu les faire, ou Diane de Poitiers, là vous êtes vraiment dans une espèce d'univers qui vous transporte. Bon, et à la fois, quand vous faites des films plus quotidiens, bien qu'ils soient assez particuliers, et c'est pour ça aussi qu'ils ont l'audience qu'ils ont, comme les Marlowe, parce que la personnalité de Corinne Maziero est telle que on n'est pas du tout dans un film précis, bien qu'elle elle soit très concernée par la réalité, par la politique et par la vie, ce qui n'est pas mon cas. Elle est tout de même dans une espèce d'invention, de créativité, si vous voulez, à l'intérieur même de ces positions très réalistes. Donc, c'est intéressant, oui. Vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par la vie, c'est-à-dire ? Non, je suis intéressé par le rêve. C'est beau, le rêve. On a parlé tout à l'heure du fait de tourner pour la télé, d'essayer de capter en fait l'attention du téléspectateur, quelque chose que vous vient pas forcément à l'idée. Est-ce que il y a des moments où vous dites ça, je fais ce plan comme ça parce que le fait que ce soit projeté sur un petit écran, ça va tout changer. Donc il faut vraiment penser aux conditions de réception du téléspectateur en termes même de mise en scène, pas seulement pour capter l'attention parce qu'il y a du bruit, mais vraiment en termes d'esthétique. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez. Au début, en tout cas, de ma carrière, je pensais qu'il fallait travailler vraiment pour la télévision en gros plan, parce que, en effet, le support était ce qu'il était. Il se fait, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, que maintenant, les écrans de télévision sont gigantesques, enfin, pas partout, mais enfin, tout de même, il y a une évolution au niveau du support visuel, et finalement, je pense maintenant qu'il faut aussi avoir des plans très larges, des focales très courtes, quelquefois même une focale comme un 14, enfin, c'est des trucs inouïs, et que, précisément, ça interpelle aussi le spectateur de télévision, parce qu'il y a quelque chose qui apparaît dans l'image qui a beaucoup de force, quoi. Donc vous avez modifié votre façon de tourner, oui, en fonction aussi des nouveaux moyens techniques à disposition des téléspectateurs. En fonction de mon évolution personnelle, mais dont je m'aperçois finalement qu'ils correspondent aux nouveaux moyens techniques, de façon un peu instinctive, si vous voulez. Ouais. Je ne saurais parler que devant vous. Ce que je viens vous apprendre touche à notre honneur. Notre honneur. Ce mot semble bien vil dans ta bouche. Ma tante, nous sommes entre les mains du roi. Mais il n'est rien que le roi puisse me reprocher. Si, vos filles, elles sont convaincues d'adultère et arrêtées sur son ordre. Et Marguerite, leur cousine, avec elles. De qui tiens-tu cette femme ? Moi-même, ma tante. Et toute la cour en sait autant. Cela s'est passé à la nuit tombée, à Maubuisson. T'as avoué ? Pas encore. Et les jeunes données sont en train d'avouer pour elles en ce moment même, entre les mains de votre ami, Nogaret. Nogaret ! Mais serait-elle innocente ? Avec lui, elles sortiront de là plus noires que la poix. Les gardes ! C'est une femme à laquelle je dois beaucoup, beaucoup. Et on parlait tout à l'heure de mon côté cyclotimique, avec des périodes de doute, d'une violence extraordinaire. comme une perte d'identité. Et puis les années passent et on peut croire que cette sensation s'amenuise. Eh bien, pas du tout. Elle est moins fréquente, mais elle est de plus en plus profonde. J'ai entendu dire par certaines personnes qu'en vieillissant, on se fait une carapace, une cuirasse. Et moi, je sens que la peau devient de plus en plus fine. Mais alors, à deux doigts de la déchirure, vous voyez. Et dans ces moments-là, ils sont plus rares, mais vertigineux. Et de savoir qu'il y a quelqu'un comme José qui pense profondément ce qu'elle dit, qu'elle m'estime, ça me fait remonter. Et à travers elle, j'ai découvert un talent, le sien, inspiré par l'opéra, une nature extrêmement forte, excessive par moments. Et tous les personnages auxquels elle s'intéresse, des plus grands jusqu'aux plus petits, ne sont jamais amoindris. Il y a toujours, quelque part, une sensation, c'est que tout être humain a une existence unique, originale, exceptionnelle. Même si leur nom n'est pas dans les journaux, même s'ils ne sont pas dans les annales. Vous voyez, la vie, c'est vraiment pas de la tarte. Et c'est unique et c'est magnifique. C'était la voix de Jeanne Moreau, samedi l'après-midi. C'était une émission diffusée sur France Culture le 7 juillet 2007. Est-ce que vous partagez ce que dit Jeanne Moreau à propos de votre travail sur les personnages ? Non, attendez, là, honnêtement, je suis tout à fait bouleversée parce que je n'avais pas entendu cet entretien de Jeanne. Et je trouve que ce qu'elle dit, qu'elle considère que j'ai pu lui apporter, qu'elle le formule comme ça, évidemment, ça me touche beaucoup. Et puis, ce qu'elle dit aussi finalement, de sa fragilité, alors que, aux yeux du monde, elle paraissait comme une femme extrêmement forte, qu'elle était aussi, d'une certaine manière. Écoutez, oui. Je suis très touché, quoi. Et à propos de ce qu'elle dit sur vos personnages, est-ce que vous partagez ça? C'est vrai que quand on regarde vos films, on a l'impression que vous vous intéressez non seulement aux acteurs, mais aussi aux personnages qu'ils vont incarner. Ben, oui, parce que, évidemment, un personnage est habité par un acteur. Et si on s'intéresse pas au personnage, on passe à côté de l'acteur. C'est évident. Mais, comment vous dire? Oui, ce que vient de dire Jeanne, c'est tellement, pour moi, émouvant, et surtout les compliments qu'elle fait sur moi, sur ma façon de voir le monde, c'est-à-dire, en effet, de façon finalement assez opératique, quoi. Elle a perçu tout ça, et curieusement, on n'en parlait pas tellement ensemble. D'une certaine manière, ça revient aussi chez beaucoup d'acteurs qu'on a vus dans vos films et téléfilms. C'est vraiment cette forme de reconnaissance, c'est-à-dire que avec eux, on a pu les voir autrement que sur un grand écran. Je pense aussi à Gérard Depardieu. Vous en avez parlé, on l'a entendu. C'est extrêmement fascinant la manière dont vous avez su les révéler sur le petit écran. Oui, enfin, les révéler, je pense pas que les acteurs de cette envergure ont besoin de moi pour être révélés. Simplement, vous savez, je pense que la relation d'un acteur et d'un metteur en scène, c'est un peu un émetteur-récepteur. Et je pense qu'un acteur, un grand acteur, a une sensibilité extrême, comme disait Jeanne, avec une peau de plus en plus fine. Et que donc, l'acteur, il y a quelque chose d'animal chez un acteur, d'un fauve d'une certaine manière qui perçoivent la réalité et d'une relation. Et je crois que ce qui est beau, c'est quand un acteur finalement vous fait confiance et s'abandonne, voilà. Et ça, moi, j'ai la chance d'avoir cette relation avec les acteurs que j'aime et qui me bouleversent. Et vous voyez, là, maintenant, je suis très troublé par ce que j'ai entendu, Jeanne. Vous voulez qu'on passe à ce que vous voulez. Peu importe. On va passer un extrait des Misérables, alors. D'accord. Votre nouveau royaume, monsieur l'inspecteur. Et les cellules ? Par ici. les grands fauves que vous avez affrontés au bac, je ne dis pas, mais pour le genre de petit gibier que nous avons ici, c'est bien assez solide. Je vérifie toujours tout, l'habitude. Au bagne, nous avions un homme chargé de contrôler la solidité des chaînes. Un forçat, je le laissais faire. Mais je repassais derrière lui. Un forçat, même bien noté, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vous y fier. Jamais ? Jamais. Ces gens-là sont irrécupérables. Les criminels ne sont pas seulement des coupables, ce sont des incurables. Le seul regret qu'ont ces gens-là, c'est celui de se faire prendre. Mais des remords, eux, non, jamais. D'ailleurs, même s'ils en avaient, le repentir n'efface pas le crime. Quand le mal est fait, c'est pour toujours. Finalement, j'en reviens pas. Vous passez tous ces extraits, je dis, mais c'est moi qui ai fait tout ça. J'ai aucun sens de... Vous voyez, je n'ai pas conscience d'avoir fait tous ces films-là. Je suis heureuse de les faire. Ils sont essentiels, affectivement, pour moi. Mais à la fois, d'un seul coup, je me trouve face à une somme de rencontres. Là, c'était un extrait des Misérables, une séquence entre Gérard et John Malkovich. Là, c'est pas la voix de John parce qu'on l'a doublé, mais je me rends compte que j'ai eu une chance inouïe d'avoir ces rencontres avec ces acteurs, ces actrices. C'est tout ce que j'aime, quoi. Il y a que ça qui m'intéresse. Pourquoi les acteurs et les actrices? Pourquoi c'est vraiment ça? C'est vrai qu'on le sent, c'est-à-dire que... Mais parce qu'ils sont fascinants, parce qu'ils sont... Ouais, je parle des grands. Parce qu'ils sont mystérieux, parce qu'ils vous apportent quelque chose que personne d'autre ne peut vous donner. C'est-à-dire qu'ils vous emmènent dans leur galaxie et que leur galaxie reste mystérieuse. Oui. C'est une chance inouïe de partager ça avec eux. Et c'est une chance inouïe de pouvoir le partager avec des millions de téléspectateurs aussi, parce que la télé, bien évidemment, la télé démocratise en fait ces acteurs-là, montre leur puissance, leur émotion, leur capacité, leur générosité. Oui, bien sûr. Et moi, ça reste un mystère qui me, il y a dit plus de 150 films, vous voyez. Eh bien, mais oui, on a dû choisir d'ailleurs, c'était terrible de choisir. Autrement, on passerait des journées ensemble. Mais plus de 150 films, mais bon, je reste toujours très très ébloui par le talent. Est-ce que il y a des projets en particulier que auxquels vous êtes plus attaché que d'autres? Mais évidemment, parce que... bien sûr. Ben oui, par exemple, Diane de Poitiers, j'étais extrêmement. Il fallait absolument que je fasse ces films-là, je le savais. C'est comme un désir impérieux. Impérieux, oui, impérieux. D'ailleurs, Les Rois Maudits aussi, j'avais très très envie de faire Les Rois Maudits, et j'ai eu raison, je le crois aussi. Voilà, Monte Cristo, Les Misérables. Et il y a des projets que vous aviez pas trop envie de faire, mais néanmoins... Non, mais vous savez, si j'ai pas vraiment envie de faire un projet, je le fais pas. Non, il faut quand même avoir le désir de le faire, parce que ça se voit. Mais rétrospectivement, vous arrivez à vous dire là, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu diriger autrement, j'aurais pu choisir plutôt toujours telle faire forme. Autrement. On peut toujours faire autrement. Mais il y a des choses qui me paraissent inenvisageables autrement. Par exemple, est-ce que vous avez un exemple concret de c'est quoi, ça se passe sur une scène, ça se passe en fonction de contraintes? Non, mais par exemple, si vous voulez, revenons. Quand j'ai fait Monte Cristo, c'est pas moi qui ai décidé de faire Monte Cristo, c'est Gérard Depardieu qui voulait faire Monte Cristo, qui m'a choisi. Bon. Parce que vous savez, notre métier, c'est un métier de désir, de choix. Il fait que c'est lui qui est venu vers moi. Et qu'à partir de là, il y a une porte qui a été ouverte pour moi, d'accès, si vous voulez, à des acteurs qui, théoriquement, ne venaient pas à la télévision et qui y sont venus. Et ça, je le dois à Gérard. En vérité, je le dois à Elisabeth Depardieu, avec qui je vais tourner la série des... Ah là là, mais c'est grave, hein. Vous voyez, c'est très très grave. Je suis complètement atteinte d'Alzheimer. La Rivière Espérance. J'ai tourné La Rivière Espérance. En 1995. Oui, avec Elisabeth Depardieu. Et elle m'avait dit, mais écoutez, je crois que Gérard adorerait travailler avec vous. Vous êtes exactement le metteur en scène dont il rêve. Et c'est elle qui a parlé de moi à Gérard. Voilà comment ça s'est passé au début, quoi. Et C'est fou. Donc, si vous voulez, à part Monte Cristo, où j'ai été choisie par Gérard, tous les projets que j'ai fait après, que j'ai initié, si vous voulez, pour moi, il était hors de question. C'est pour ça que je vous dis, il n'y avait pas d'autre option que de les faire avec les choix qui étaient les miens. Les choix de casting, par exemple. Mm-hmm. Qui était la première acte pour moi. Qui décidait pour moi d'aller vers tel projet plutôt que vers tel autre. Qui m'exigeait même, voilà. Le pouvoir des images vient de ce qu'elles me procurent l'illusion de la réalité. Illusion que je subis avec une quasi-passivité. Même dans les moments de ma vie où je suis le plus disponible, des projets m'habitent, des souvenirs me hantent, des actions s'ébauchent. En entrant dans un cinéma, je me quitte. Certes, mon passé est derrière moi quand je réagis à un film, mais il n'est pas posé pour soi. Mon seul projet est de contempler les scènes qui défilent sous mes yeux. Je les prends pour vraies, sans qu'aucune intervention me soit permise. Cette paralysie de ma praxis accentue en certains cas leur caractère intolérable et les rend en certains autres fascinantes. Devant l'écran, je m'abandonne comme dans mes rêves, et c'est aussi par des images visuelles qu'ils me captivent. C'est pour cela que le cinéma éveille en chacun de nous des résonances oniriques. Quand un film m'atteint profondément, c'est qu'il remue en moi des souvenirs informulés ou qu'il ranime des aspirations silencieuses. Les amis avec qui je suis toujours d'accord dans les autres domaines, il m'arrive d'avoir un avis tout à fait différent du leur quand nous parlons d'un film. C'est qu'il a touché en eux ou en moi, ou en nous tous, quelque chose d'intime et de singulier. Quand j'écrivais Le Deuxième Sexe, qui est mon seul essai important, je ne me souciais pas tellement de la manière dont c'était écrit. Sauf, où ça m'amusait de faire ce qu'on pourrait appeler un peu des petits morceaux de bravoure sur la ménagère, je me rappelle, des choses comme ça. Mais enfin, dans l'ensemble, il y avait des choses à dire, et même s'il fallait les dire d'une façon un peu difficile, qui n'est pas tout à fait accessible peut-être à tout le monde, en employant du vocabulaire philosophique, c'est ce que je faisais. Je cherchais avant tout l'exactitude de ma pensée, à rendre l'exactitude de la pensée même théorique, plutôt que d'autres choses. Bien entendu, quand j'écris un roman, c'est tout à fait différent, puisque il faut arriver à faire vivre des êtres imaginaires, et pour ça, il faut que le langage même serve de chair et d'os à ces personnages. Simone de Beauvoir, dans votre film José Daillon, diffusé sur France 3 le 15 janvier 1984, j'ai découvert que vous aviez adapté une nouvelle de Simone de Beauvoir, oui, la femme rompue, et qu'elle vous a demandé de réaliser oui, alors, ce si, film. Si vous voulez, d'abord je voudrais dire que je trouve que ce qui a été lu du texte de Simone de Beauvoir, ouais, sur sa perception du cinéma, je trouve ça formidable. Je trouve que vraiment ce qu'elle dit là est d'une justesse incroyable. J'ai eu la chance aussi de la rencontrer, d'être amie avec elle. Finalement, j'ai fait des très très belles rencontres dans ma vie. Et Oui, quand j'ai fait La femme rompue, Simone de Beauvoir m'a dit, voilà, je voudrais vous demander deux choses. Je voudrais vous demander de faire Le Deuxième Sexe, ce qui pour moi était assez terrifiant, parce que ça m'embarquait dans une aventure très longue, qui en effet n'était pas de la fiction, et donc, à la fois j'ai accepté parce que j'avais beaucoup d'amitié pour elle, et donc je ne voulais pas la décevoir. Et puis elle m'a demandé de faire un long métrage sur sa vie, ce que j'ai fait. On vient d'entendre un extrait là de ce film qui s'appelle Simone de Beauvoir, et c'était assez fascinant de rentrer dans l'intimité de cette femme. Oui, parce que c'est tout à fait différent du travail que vous faites avec les acteurs. Là, Simone de Beauvoir, elle ne jouait pas, elle était elle-même. Comment on est du côté du documentaire, d'ailleurs. Oui, mais justement, qui m'intéresse beaucoup moins. Pourquoi ? Mais parce que je vous dis, je n'aime pas la réalité. Mais en l'occurrence, comment vous dire ? J'ai fait très très peu de documentaires dans ma vie. J'ai fait ce film autour de Simone de Beauvoir parce qu'elle l'a souhaité et que je trouvais que c'était quand même assez intéressant de rentrer dans son univers, parce que c'était pas n'importe qui. J'ai fait un film sur sur la danse, alors que je suis assez imperméable à la danse, mais sur Maurice Béjart, qui s'appelait Béjart et l'éphémère, et qui m'a appris beaucoup de choses, en vérité, sur mon métier à moi de metteur en scène, curieusement. Et puis, j'ai fait un film, deux autres films, j'ai fait un film sur les castrats, parce que ça me fascine, cette période. Et j'ai fait un film sur les... Comment dire? Sur les opéras oubliés dans le monde, à partir d'un livre de Catherine Clément qui s'appelait L'opéra ou la défaite des femmes. Et j'ai fait aussi un film sur les transsexuels. Voilà, c'est très très peu de sujets, mais c'est des sujets qui m'ont touchée au point que finalement j'ai décidé de m'y atteler. Mais en vérité, non. Ces sujets-là étaient aussi des sujets un peu transcendants par rapport à la réalité. Autrement, je ne sais pas faire. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord, vous l'avez dit, vous avez souligné hein, le texte qu'on a entendu à l'instant, c'est un extrait de Tout compte fait, hein, donc un texte de Simone de Beauvoir, qui raconte vraiment l'expérience en fait qu'elle fait quand elle entre dans une salle de cinéma, quand elle dit devant l'écran, je m'abandonne comme dans mes rêves, vous avez aussi parlé des rêves, José Dayan, et elle dit à la fin, il m'arrive d'avoir un avis tout à fait différent de mes amis quand nous parlons d'un film, c'est qu'il a touché en eux ou en moi, ou en nous tous, quelque chose d'intime et de singulier. Est-ce que c'est ça que vous essayez de faire avec vos films à la télé, dans chacun des téléspectateurs? Mais j'essaie. Je sais pas de faire en disant je vais essayer de toucher quelque chose d'intime sur Géraldine ou sur un tel ou un tel autre. Mais j'essaie d'être le plus sincère possible avec l'histoire que j'ai décidé de transmettre. Et à partir de là, je pense que chacun y trouvera un élément personnel, si vous voulez, en sentant la sincérité. Mais je trouve que la façon qu'a, encore une fois, Simone de Beauvoir de percevoir un film correspond exactement à la façon que j'ai moi de le percevoir quand je vais voir un film. Et ce que j'aime beaucoup, c'est voir un film et en parler après avec des amis. En effet, si d'une manière ou d'une autre on n'est pas d'accord, je trouve que c'est une des discussions les plus excitantes que je connaisse. Ouais. C'est la fin de notre émission, José Dayan. On a le choix entre plusieurs musiques, vous pouvez choisir. On a Jeanne Moreau, Quelle histoire, Billie Holiday, Blue Moon, qui est dans la BO de votre film Cet amour-là, Hervé Villard, Caprice est fini, aussi dans cette BO-là, ou enfin Eddie Mitchell, La dernière séance. Non, allez, on va prendre Billie Holiday. Billie Holiday. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Merci beaucoup José Dayan d'être venu ce matin nous parler de votre travail de réalisation. De vous, on peut voir la série Capitaine Marlowe, c'est sur France 2. Vous repartez en tournage bientôt d'ailleurs. Il y a aussi Quand sort la recluse, c'est une adaptation de l'œuvre de Fred Vargas qui est sortie en 2019 sur France 2, qui a été rediffusée il y a quelques mois. Je l'ai vu, c'est incroyable. Et on attend donc la sortie de votre mini-série sur Diane de Poitiers qui sera Diane diffusée de Poitiers, j'ai hâte, sur j'ai France hâte. 2 en septembre 2022. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi le temps est-il un problème politique? On peut penser que la question du temps est avant tout une question métaphysique. Pourquoi les choses se succèdent-elles? Pourquoi y a-t-il du changement? Comment le mesurons-nous? Et on est toujours surpris de voir le temps arriver dans le domaine politique avec, par exemple, ce célèbre dicton plus ou moins économique, le temps c'est de l'argent, avec la question du temps de travail, avec la question du temps libre, avec aussi la question de l'orientation dans l'histoire, du grand récit, de se situer collectivement dans le temps, de